La Rochefoucauld fit paraître ses maximes en 1665 sans nom d'auteur, au beau milieu du siècle de Louis XIV. Je vais vous lire quelques-unes de ses maximes, genre très à l'honneur, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. L'empire de l'amour-propre. L'amour-propre est l'amour de soi-même et de toute chose pour soi. Il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes et les rendrait, les tyrans des autres, si la destinée leur en donner les moyens. Rien n'est si impétueux que ses désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si habile que ses conduites. Ses souplesses ne se peuvent représenter, ses transformations surpassent celles des métamorphoses, et ses raffinements, ceux de la chimie. Il est dans tous les états de la vie et dans toutes les conditions. Il vit partout et il vit de tout, il vit de rien. Il s'accommode des choses et de leurs privations. Il passe même dans le parti des gens qui lui font la guerre, il entre dans leurs desseins, et ce qui est admirable, il se hait lui-même avec eux, il conjure sa perte, il travaille même à sa ruine. Enfin, il ne se soucie que d'être, et pourvu qu'il soit, il veut bien être son ennemi. Il ne faut donc pas s'étonner s'il se joint quelquefois à la plus rude austérité, et s'il entre si hardiment en société avec elle pour se détruire, parce que, dans le même temps qu'il se ruine en un endroit, il se rétablit en un autre. Quand on pense qu'il quitte son plaisir, il ne fait que le suspendre ou le changer, et lors même qu'il est vaincu et qu'on croit en être défait, on le trouve qui triomphe dans sa propre défaite. L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. L'amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde.